Les journaux et en page Internet de divers pays et régions ont traité spécialement le 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung. Le journal allemand Lotte Fahne du mois de juillet, le journal tanzanien Uhuru, les en page Internet de l'Association d'amitié Inde-Corée de toute l'Inde, du Forum allemand anti-impérialiste et de l'Association d'amitié Pektusan Tchèque-Corée ont fait les éditions spéciales sous divers titres comme « Soleil de l'humanité et père des peuples du monde » avec le portrait en sourire et les photos du président Kim Il-sung. Les en page Internet du Cercle allemand d'études de la culture coréenne, de l'Association d'amitié France-Corée, du Cercle d'études des idées du Jutsu de Madrid, Espagne, de l'Institut d'amitié et culturel péruvien-coréen et du Comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen siégeant au Nigéria, ont présenté les écrits à l'éloge des exploits immortels accomplis par Kim Il-sung devant la patrie, le peuple, l'époque et l'histoire.